qui a dit ? L'idée que le monde veut être trompé est devenue plus vraie qu'elle n'a sans doute jamais prétendu l'être. Theodor Wiesengrund est né le 11 septembre 1903 à Francfort. Partagé entre sa passion pour la musique et sa vocation de philosophe, il devient l'un des grands théoriciens esthétiques de son temps et l'un des fondateurs de l'école de Francfort. Considéré aujourd'hui comme le pionnier de la contre-culture, Théodore, devenu Adorno, meurt en 1969 après avoir construit une œuvre philosophique sans concession. Non seulement les hommes tombent dans le panneau, pourvu que cela leur apporte une satisfaction si fugace soit-elle même, mais ils souhaitent même cette imposture tout conscient qu'ils en sont. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Bonjour Agnès Guéraud. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie en 1969, puisque nous passons cette semaine en 1969. On écoutait Harry Nilsson, qui était au top du hit parade, Everybody's Talking. Et on apprenait la mort de Theodor Adorno, dont vous êtes spécialiste, est-ce que je peux dire spécialiste ? Sur lequel oui. Vous avez beaucoup travaillé, voilà. Vous avez votre thèse notamment. J'ai beaucoup travaillé. Et vous en parlez dans un ouvrage qui est paru l'an dernier aux éditions de la Découverte, Dialectique de la pop. On l'entendait, c'était sa voix en 1963, une archive trouvée sur le site de l'INA. Les gens souhaitent activement être trompés. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir d'Adorno pour comprendre sa position par rapport à la culture notamment. La pensée d'Adorno, elle est concentrée en effet sur la question de la culture, parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'ontologie, qui ne croit pas au fait que la philosophie est là pour dévoiler un être qui existerait et qui serait pur ou réel ou dénué de toute médiation. Donc c'est quelqu'un qui s'est donné pour objet, tout de suite, très rapidement en tout cas, qui s'est donné pour objet la culture. Et la culture, ce sont, comme il le dit d'une certaine manière, ce sont des conditions fausses. C'est-à-dire c'est justement un amas de contradictions, un amas de médiations, un amas d'apparences, de faux-semblants, de tromperies. Donc l'énigme, en fait, qui est un peu au cœur de sa critique de la culture, c'est ce fait de se rendre compte que, en réalité, tout le monde a bien conscience que la culture est ce fatras de tromperies. Mais pourquoi accepte-t-on? Pourquoi aime-t-on tomber dans le panneau, justement? Pourquoi, qu'est-ce qui fait que ce système est si bien huilé que, alors même qu'il ne présente que des faux semblants, il continue d'être désirable, ou du moins il continue d'être une espèce de totalité dans laquelle on est emprisonné, en fait, tous autant que nous sommes, et on sent véritablement faire d'efforts pour essayer d'en sortir. Et qu'est-ce qu'il appelle culture ? Alors la culture, c'est vraiment tout ce qui peut se dire, tout le langage, toutes les représentations qui concernent à la fois les idées partager les idées, qu'elles soient sociales, qu'elles soient intellectuelles, que ce soit, voilà, qu'on parle de la démocratie ou qu'on parle d'une œuvre d'art ou qu'on regarde la manière dont sont disposés les panneaux publicitaires. En gros, là, pour le faire très brièvement, hein, c'est la culture, c'est la manière dont la société se représente elle-même et toutes les formes sédimentées, objectivées, qui montrent ces représentations que la société a d'elle-même. Donc la culture, c'est quasiment le... C'est à la fois une sorte de croûte sur le monde, hein, d'épaisseur comme ça qu'il faudrait gratter, mais sous laquelle il n'y a rien, en fait. On lui doit une critique radicale de la culture, une sociologie critique de la musique, une critique de la sociologie institutionnelle et une critique de la phénoménologie. Le terme qui revient le plus, c'est celui de critique. C'est son outil philosophique privilégié. Oui, c'est vraiment au centre de... Enfin, c'est vraiment l'outil, comment dire, le mode plus même que l'outil, hein, le mode de pensée qui, donc à la fois vient de Kant, hein, c'est le premier à avoir utilisé ce terme, en tout cas de manière moderne. C'est la pensée critique, c'est la pensée post-métaphysique, hein, c'est une pensée qui dénonce les arguties métaphysiques en disant bon, maintenant il s'agit plus de se demander de poser la question, de prouver l'existence de Dieu par la philosophie. Ce qu'il faut, c'est se référer à ce qui est manifeste. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de vrai, mais ce qui se manifeste justement, c'est cette culture, c'est cette épaisseur, cet encrassement du monde et des choses à la fois par l'histoire, par le discours, les bavardages, les représentations. C'est ça que nous voyons, c'est ça notre objet, c'est ça notre phénomène pour Adorno. Et la critique, elle vient là gratter, d'une certaine manière. Elle vient tenter de dissoudre justement ce qui s'est sédimenté, de faire apparaître que, par exemple, sous une évidence se cachent en fait des contradictions, des dimensions insoupçonnées, sous une apparence d'attitude démocratique se cache une attitude autoritaire. Et ça, on va voir que on retrouve ça dans toute sa critique de la société américaine quand il écrit les Minima Moralia. Hein, c'est comme ça des petits aphorismes. On a des scénettes de la vie américaine, si je puis dire, avec, je me rappelle d'un aphorisme où il parle de la manière dont le père de famille se fait apporter ses chaussons par son épouse, avant de s'installer devant un poste de télévision. Et voilà, il en profite pour introduire une espèce de critique du patriarcat qui se maintient dans une société qui se présente comme individualiste et égalitaire en apparence. Bon. Donc voilà, à chaque petit tableau, la critique apporte la dose de dissolvant, en fait, pour faire apparaître ce qui n'est pas immédiatement visible. Et là où il nous parle le plus aujourd'hui, sans doute, c'est dans la critique qu'il apporte de la culture et de la société culturelle, de la valeur esthétique des biens culturels. Mais si on reste encore un instant sur le terme de critique, c'est très intéressant de voir comment c'est un point d'entrée parfait, en fait, pour entrer dans son œuvre, parce que vous avez cité Kant. Pour Kant, la critique de la raison pure, de la raison pratique, la critique a une vertu positive. Il s'agit de critiquer, non pas pour limiter ou pour pointer le négatif de quelque chose, mais au contraire, pour que la raison en ressorte fortifiée. Chez Adorno, et là c'est un peu technique mais c'est décisif, pour lui au contraire, ce qui est très important, c'est d'introduire, de réintroduire le négatif, la négativité en philosophie. Ça veut dire qu'il y a des vertus du négatif qui ont été sous-estimées avant lui ? Là, il faut voir que la critique adornienne, elle est effectivement pas simplement héritière de la critique kantienne. Il y a deux grandes médiations. C'est la critique, le négatif, la dialectique au sens hegelien, qui intervient. Et là, c'est l'idée du négatif vient de Hegel chez Adorno. Et la critique marxienne ou marxiste, c'est-à-dire l'idée d'une critique qui porterait des coups, en fait, aux représentants d'un certain ordre bourgeois, aux dominants dans cet ordre bourgeois. Donc il y a l'idée de, à la fois, introduire donc la dimension de la négativité et introduire la dimension d'une critique qui est quand même... qui se veut, même si on va voir qu'en 69 se révèle aussi beaucoup de contradictions par rapport à ça, une critique qui se veut politique. Il s'agit pas, c'est pas simplement la critique épistémologique telle que l'amène Kant, mais véritablement une pensée qui veut changer le monde, en tout cas qui veut énoncer sa fausseté. Et à partir de là, dégager en négatif une utopie qui serait justement désirable, même si Adorno se garde toujours de donner une image de cette utopie. Hein, il y a vraiment l'idée qu'elle doit rester sans image pour continuer à être. Mais la critique, elle est là pour dénoncer le monde tel qu'il est. S'il y a le contraire, si vous voulez, de la critique chez Adorno, c'est la positivité. Ce qu'il appelle la positivité, c'est ce qui est là et qui dit « je suis là, j'y reste, j'ai raison d'être là ». Vous voyez, c'est la positivité, c'est l'objectivité quand on dit « ah ben on peut rien faire, c'est comme ça ». C'est la résignation. Oui, alors, là, c'est, en tout cas, c'est une résignation qui s'ignore, parce que c'est, on croit que c'est comme quand on dit aux gens d'être réalistes plutôt que de poursuivre leurs rêves. Et ben voilà, la positivité, c'est cette espèce de réalisme de la pensée, mais pas au sens du réalisme spéculatif, ou, mais d'un réalisme au sens d'une pensée qui s'accorde tellement avec ce qui est, qu'elle renonce en fait à énoncer un idéal qui pourrait au moins améliorer ce qui est. Et c'est là que le clash, on va parler comme à propos des rappeurs, hein, avec Hegel qui Gouba, Carice, voilà. Adorno, Hegel, même Gouba. Adorno, Hegel, qui anime en fait toute la dialectique négative en l'occurrence, mais pas que, entre Adorno et Hegel, c'est que Adorno estime qu'à un moment donné, Hegel a fini par devenir un ami de la positivité, parce que sa dialectique à trois termes qui aboutit dans un idéal de réconciliation, hein, qui finit par dire tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. En gros, si ça a lieu, c'est que ça devait avoir lieu. Eh bien, ça finit par être une philosophie qui est complètement au service de la positivité et plus au service de la critique. Donc Adorno va dire, moi je propose une dialectique à deux termes. Une dialectique qui refuse, qui résiste, hein, qui freine des quatre fers pour ne pas se réconcilier. Justement, mais comment pour rester critique. Oui, mais comment la négativité peut être un projet? Alors c'est une fin en soi ou ça reste un outil, c'est un moyen d'arriver à quelque chose? Je pense que c'est un outil. Le projet, il reste entièrement utopique. Enfin, je pense qu'il y a des intentions en fait très. C'est ça qui fait quand on lit Adorno et qu'on le lit longtemps et souvent, on reste attaché à cette pensée parce que c'est une pensée qui a cette espèce d'élan. Presque amoureux, à la fois vers la musique, vers le bonheur. Enfin, il y a tout le temps des textes sur ce que serait le bonheur. Donc, c'est pas du tout l'idée. Adorno, c'est pas un penseur pessimiste, en fait. C'est un penseur qui utilise la négativité comme outil critique et rhétorique. Parce qu'elle est là, d'ailleurs, il y a un moment dans la dialectique de la raison où il défend comme ça l'idée d'exagération. Que la pensée doit utiliser la méthode de l'exagération, c'est-à-dire enfoncer le clou jusqu'à l'absurde presque, pour que effectivement quelque chose bouge, hein, pour faire sauter les verrous, pour faire craquer le vernis dont je vous parlais, ou la croûte dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est pas la négativité comme projet, c'est la négativité comme ruse. C'est une technique de survie dans un contexte qui est lui-même tellement négatif que seule la négativité peut le faire exploser. Eh ben, prenons un exemple très concret. Ça peut paraître abstrait, le négatif contre le négatif et la négativité. En fait, c'est très clair. Voici comment Adorno, alors c'est un extrait du documentaire Adorno on Popular Music and Protest de Rick Brown. Vous allez entendre donc une voix off qui décrit l'attitude d'Adorno face à John Baez, qui est à l'époque la chanteuse contestataire aux États-Unis, donc en 69, contre la guerre du Vietnam, etc. Écoutez ce qu'Adorno semble reprocher à John Baez. Vous nous expliquerez ensuite comment est-ce qu'on peut être contre une chanson contestataire. C'est la première vague de la mondialisation qui va produire une jeunesse uniformisée, écoutant partout la même musique et portant les mêmes pantalons dans le monde entier. Adorno a très tôt pris conscience de ce phénomène. Je pense que tous les efforts pour allier protestation et pop-musique, musique de divertissement, sont voués à l'échec. Cette musique a beau se donner une image moderniste, elle reste liée à sa dimension commerciale et appelle à la consommation. Toute tentative de lui conférer une autre fonction reste superficielle. Si quelqu'un prend la pause et pousse la chansonnette pour nous dire que la guerre au Vietnam est insupportable, c'est sa chanson que je trouve insupportable, car elle transforme l'horreur en produit de consommation. Il essaie d'en extirper des qualités commerciales. Hey. and go home to my Lord and be free. Go home to my Lord and be free. Précisons à Agnès Guéraud que Théodore Adorno n'était pas en faveur de l'intervention des États-Unis au Vietnam. Et pourtant, il dit dans cette archive que pire encore, semble-t-il, que la guerre que les États-Unis mènent contre le Vietnam, eh bien, se trouve Joan Baez elle-même et sa chanson contestataire. C'est de la provocation ? Oui, je pense qu'il y a une part, il y avait une part de provocation et en même temps, c'est extrêmement sérieux. C'est-à-dire oui, c'est que ça. Et je trouve ça, au fond, paradoxalement, assez sympathique de me dire qu'un philosophe de sa trempe, parce qu'à l'époque, il est très connu en Allemagne en 68, il intervient très souvent dans le débat public, intervienne à propos de musique pop. Ce qui, à l'époque, enfin voilà, même en France, personne ne prend la peine de réfléchir à cet objet. Donc, c'est intéressant parce que voilà, il est peut-être un contempteur, mais extrêmement curieux du sujet, et il y voit en effet l'accomplissement de ce qu'il soupçonne et de ce qu'il dénonce depuis le début dans ce qu'il appelle avec Horkheimer l'industrie culturelle, avec cette idée d'un paradoxe entre industrie et culture, donc la culture, là pour le coup pas la culture au sens de ce que je décrivais tout à l'heure comme cette épaisseur de médiation et de contradiction, mais la culture au sens du lieu où tout se trouve, toutes les œuvres d'art, les œuvres d'idées, et cette culture qui devient l'objet d'une fabrication standardisée. Donc c'est ça qu'ils veulent dire quand ils parlent d'industrie culturelle. Nous, on a un usage neutralisé de ce terme, hein, parce que c'est plus critique pour nous, mais pour eux, c'est une contradiction entre industrie et culture. Et donc, il voit cette espèce d'élan contestataire et militant, et qui est en effet pris dans les raies d'une industrie culturelle. Et ça, c'est vrai. Enfin, l'histoire de la musique populaire, elle est dépendante de l'histoire de la phonographie et de l'histoire de l'industrie discographique. Mais par ailleurs, ce qui est aussi embarrassant, c'est que, par exemple, Adorno parle sur une chanson de Joan Baez, on entend derrière cette musique, qui est en fait un gospel, au Freedom, c'est un très ancien gospel, c'est pas du tout une chanson sur le Vietnam, cette chanson, que reprend Joan Baez. Donc il y a toute une histoire américaine dans cette chanson, aussi une histoire de l'esclavage, et voilà notre bon Adorno, bien qui peut être très précis et très, très intéressant, mais qui pour le coup n'allait pas du tout à ce sujet. Il sait pas de quelle chanson il parle. Enfin, ou alors elle est ajoutée. Enfin, il y a un montage. Oui, ça peut être parlé plus largement. Voilà. Mais difficile de comprendre ce qu'il reproche vraiment là. Même parlons d'une chanson que Joan Baez aurait chantée parce qu'elle faisait partie de ces chanteuses qui contestaient l'engagement américain en Vietnam. Quel est le problème vraiment? C'est que le problème de la guerre au Vietnam est trop important pour être ressaisi juste par une chanson, ou est-ce parce que l'idée qu'Adorno se fait de la musique est trop importante et trop élevée pour accepter que la chanson puisse faire partie de cette forme d'art? Alors là, je pense que la contradiction principale, c'est vraiment entre conscience et consommation. L'idée de tous les textes sociologiques d'Adorno sont, c'est quand même un des premiers grands critiques du capitalisme avancé, comme il l'appelle. Et le capitalisme avancé, c'est le capitalisme de la consommation. Et là, c'est vraiment l'idée que consommer, c'est le contraire de penser, en fait. Donc, si on veut faire prendre une conscience politique, ça peut pas passer par un objet qui est à consommer. C'est presque pas un discours sur la musique qui nous fait. D'ailleurs, d'une certaine manière, il a rien à faire là de la musique de Joan Baez. Il analyse pas sa voix, il analyse pas sa mélodie. Enfin, même le texte. Voilà. Donc, ce qui veut simplement pointer ici, c'est la contradiction entre consommation et prise de conscience, entre politique et consommation. Oui, mais là, il s'agit pas de penser, il s'agit de contester. On pourrait croire que tous les moyens sont bons. Voilà, disons qu'il a une idée de la contestation qui suppose quand même la pensée. Et c'est peut-être ça qui va l'opposer à ses étudiants. Alors voilà, on peut y venir justement, parce que, alors peut-être dites-nous... Enfin, c'est un peu injuste pour les étudiants, je pense qu'ils cherchaient à penser aussi, mais oui. Dites-nous, même si vous n'êtes pas spécialiste forcément de cette période, mais on connaît mai 68 en France, en Allemagne, c'est à peu près le même contexte. Les étudiants dès 67 commencent à oui. s'éveiller, à contester le rapport à l'autorité, le rapport à l'éducation. Voilà, et notamment à Francfort, à l'Institut de recherche sociale, où Adorno est une figure très importante, et où Adorno inspire en fait beaucoup de jeunes, de militants qui vont justement mener mai 68. Et parmi les étudiants qui vont être peut-être les plus cruels en fait avec Adorno à la fin de sa vie, il y a un de ses étudiants qui est un de ses thésards. Donc c'est pas pour rien. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Adorno a fourni à ces jeunes gens toute une matière critique et toute une méthode de pensée qu'ils vont lui retourner, hein, lui reprocher de ne pas appliquer, en lui disant finalement vous théorisez sur la praxis mais vous n'agissez pas. Et bon voilà, on parlait de John Bess tout à l'heure. John Bess, toute sa vie, elle a milité. Adorno, ça n'a jamais été un militant. Donc là, il y a vraiment cette espèce de césure assez profonde, et qu'on retrouve en tout cas dans d'autres cas de figure, entre le militant, c'est-à-dire celui qui est sur le terrain de la politique critique, et le théoricien critique qui lui est surtout un homme de la contemplation, au sens où il étudie ce monde, y compris ce monde qu'il désigne comme faux, mais il n'y intervient pas, ou du moins il pense n'y intervenir que par la pensée. Alors ça ne veut pas dire que la pensée n'est pas agissante, justement, c'est tout ce que va essayer de défendre Adorno, de dire « ma théorie est une praxis ». Beaucoup trop de mots, et on vous propose la solution suivante. Puisque je suis ici, je parle ici, Madame Duras parle à Richelieu, Blondroit à Michelet, Axelos et Mascolo à Quiné. Par conséquent, vous pouvez... Jean-Paul Sartre sur les chemins de la philosophie en mai 68. Alors vous aviez comparé Agnès Guiraud, Adorno à Sartre, en disant peut-être qu'Adorno était le Sartre allemand à l'époque. Est-ce que sur en ce point-là aussi... En termes de popularité. Ouais. Voilà, c'est ouais. ça. Bah justement, est-ce que sur le point de... Voilà, Sartre ici essaie de dialoguer avec ses étudiants. Bon, ça marche pas très bien. Est-ce que Adorno, on peut le comparer sur ce point aussi à Sartre? Oui, alors c'est très différent hein, pour le coup. Mais on a des biographes hein, qui nous racontent comment ça s'est passé. Et on sait que Adorno a d'abord eu des étudiants qu'il admirait énormément et qui se sont inspirés de sa pensée, qui l'ont invité à participer avec lui au sit-in et aux manifestations. Et lui-même était très embarrassé. Il disait, bon, j'ai un monsieur ventripotent comme moi n'a rien à faire dans ces manifs, quoi. Donc, et il les voyait un peu comme des enfants. C'est étonnant quand il parle à ses amis, il envoie des lettres et il oui, écrit... C'est vrai. Voilà. Il écrit « Je suis tout de même très absorbée par les histoires des étudiants, surtout parce que ces enfants, voilà. tout en se révoltant contre l'autorité, ensuite accourent malgré tout vers moi de façon presque touchante. » Et c'est il ça. Continue hein, « La responsabilité est tellement grande quand on est aussi conscient que je le suis de la contradiction entre le mouvement étudiant et la situation objective. » Voilà, sans appel. Ça. Là, c'est une lettre à Gabriel Henke oui. du 17 mai 68. Et la situation atteint un premier paroxysme quand les étudiants prennent possession des bureaux d'Adorno à Francfort et, avec un discours plus ou moins marxiste, estiment qu'ils prennent donc aux professeurs ses moyens de production et ils s'emparent, ils séquestrent en fait ses moyens de production et Adorno ne peut plus accéder à son bureau. Et là, Adorno fait quelque chose qui va lui être reproché pendant des décennies. Hein, il appelle la police. Et voilà, pour faire évacuer ses étudiants. Et il va essayer de se rattraper plus ou moins. Enfin, il va avoir un semestre plus tard, il va donner un cours avec les meilleures intentions du monde qui s'appelle Introduction à la dialectique, où, alors que c'est un cours où il y a énormément d'étudiants, il y a 1000 étudiants dans la salle, et il leur dit quand même allez-y, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, on peut échanger. Et finalement, il l'interrompt en effet, mais assez violemment, assez brusquement, en lui disant que comme institution, il est mort. Et là, il se passe une scène terrible. qui n'est pas terrible telle que je vais la raconter là, mais il y a trois jeunes filles qui se mettent à danser autour d'Adorno les seins nus et qui voilà les rires de certains dans la salle et d'autres qui ne rient pas, hein, ça, tout le monde n'était pas pour cette humiliation, mais ça se transforme en scène d'humiliation et il quitte la salle en laissant son chapeau et sa serviette. Donc ça a énormément marqué parce que évidemment ce qui choque Adorno, c'est pas de voir un saint. On sait qu'il avait une vie, pour le coup, il était tout à fait. Il défendait même dans ses cours l'idée d'une libération à la fois des corps et du plaisir. Et il a toujours eu des maîtresses. Gretel, je sais pas comment elle le prenait, mais apparemment elle le savait. Voilà. Donc, ce qui a beaucoup humilié Adorno, c'est le fait qu'on pense qu'il allait se comporter comme un bourgeois choqué de voir des saints. Et donc, mais il est difficile à saisir quand même, parce qu'on a envie, quand on vous écoute parler du rapport d'Adorno à la culture, sa critique à l'égard des chansons, de le classer dans la catégorie des réactionnaires, enfin des conservateurs. Mais par ailleurs, vous dites non, plaisir du corps, libération du corps, ce qui est pas très réactionnaire. Donc. Oui, mais parce que je pense qu'il est, c'est une pensée qui n'est pas réactionnaire, mais il faudrait peut-être distinguer dans les pensées l'intention et la conséquence. Dans l'intention, je pense qu'elle est profondément ouverte et elle vise à une forme de libération. Il y a une quête du bonheur dans la pensée d'Adorno. D'ailleurs, il associe sans cesse pensée et bonheur. Enfin, son travail, même en tant qu'universitaire, il estime que c'est des moments de bonheur qui lui sont procurés dans le fait de travailler à ses ouvrages et à ses cours. Dans la conséquence, effectivement, la critique finit par avoir les amis qu'elle mérite et ses amis, ça finit par être en tout cas des gens qui ont une vision plus ou moins décliniste de l'histoire, ou du moins qui pensent que les nouvelles générations détruisent les anciennes. Et Adorno, qui, le paradoxe c'est ça, c'est qu'il fournit le matériau pour une nouvelle génération, pour se faire décimer lui-même en fait, et il fournit ce matériau à cette génération et en même temps il la croit dans l'erreur. Il peut pas, c'est comme si vous voulez se réserver à lui-même le monopole de la lucidité et de la radicalité en fait. Et une fois que d'autres s'en emparent, il les trouve profondément naïfs, il les considère comme des enfants. Et donc là, on l'humilie comme un vieux barbon qu'il ne veut pas être, qu'il ne veut absolument pas être. Mais prenons un autre exemple, un autre objet de critique de la part d'Adorno. On a parlé de la chanson populaire, mais alors ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est le jazz. Ceux qui se laissent induire par la respectabilité croissante de la culture de masse à prendre une chanson populaire pour une œuvre d'art moderne parce qu'une clarinette y fait des couacs et qui croient qu'un triple accord mêlé de dirty notes est atonal ont déjà capitulé devant la barbarie. L'art tombé au niveau de la culture subit le châtiment d'être irrésistiblement confondu avec ses propres déchets, plus il développe cette monstruosité. Le prix du privilège culturel est un analphabétisme sûr de sa valeur et qui prend l'abrutissement de l'excès toléré pour le royaume de la liberté. Rebelles timides, ils sont déjà prêts à courber l'échine, comme le jazz leur en donne l'exemple, en intégrant le faux pas et l'arrivée avant l'heure à la marche collective. Il y a une ressemblance frappante entre le fan du jazz et certains jeunes adeptes du positivisme logique qui se débarrassent de la culture philosophique, avec le même empressement avec lequel ceux-là se libèrent de la culture musicale. L'enthousiasme s'est porté sur le désenchantement. Les affects s'attachent à une technique et rejettent tout sens. France Culture. Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. L'année 1969 est à l'honneur cette semaine sur les chemins de la philosophie. 69, c'est l'année où est mort le philosophe Théodore Adorno dont nous parlons aujourd'hui. Le texte qu'on vient d'entendre lu par Vincent Schmitt explique et déroule les arguments, parce qu'il en a, Agnès Guéraud, contre le jazz avec ce parallèle sublime, hein, il y a une ressemblance frappante entre le fan du jazz et certains jeunes adeptes du positivisme logique qui se débarrassent de la culture philosophique avec le même empressement avec lequel cela se libère de la culture musicale. Oui, alors c'est bon, vous mettez les pires phrases hein, d'Adorno, si les gens connaissent pas Adorno, quand même. Donc, au moins son analogie a un sens. Enfin, on peut tirer quelque chose de cette analogie qu'on vient d'entendre. C'est son attachement, en effet, à la tradition. Alors, c'est pas. Il faut arriver à montrer que Adorno n'est pas un penseur réactionnaire, mais en effet, c'est quelqu'un qui veut ménager un sauvetage dont la culture veut se débarrasser. Et l'histoire de la pensée philosophique, de même que l'histoire de la musique, alors on va dire l'histoire occidentale de la musique ou l'histoire de la musique occidentale, voilà, sont deux dimensions qui en effet semblent dispensables. Eh bien, si on, pour un positiviste logique qui justement, ce qui est pas très juste, hein, Carnap par exemple, qui est une figure du positivisme logique, était quelqu'un d'extrêmement cultivé, fait qui a écrit sur les Lumières et tout ça, donc c'est assez malhonnête aussi de dire ça. Mais il y a le mot positivisme. Voilà. Expliquer en quel sens c'est un épouvantail. Mais en tout cas, c'est un épouvantail parce que ça apparaît, en tout cas, c'est l'idée de la logique. Hein, la logique, comme c'est la pensée éternisée, en fait, la logique. C'est pas la pensée historicisée. Alors que la pensée processuelle, la pensée de la culture, elle est obligée de s'inscrire dans l'histoire. Donc Adorno, il inscrit sa pensée dans l'histoire. Il la voit à la fois dans l'actualité et dans associé à ce passé qu'il faut justement retrouver pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc l'analogie, c'est vraiment ça, c'est ce qui effraie Adorno, mais là c'est quasiment de la psychanalyse, c'est un moment de psychanalyse en fait, hein, c'est que il a vraiment en horreur ces personnes qui pensent pouvoir advenir comme ça dans l'histoire sans venir de rien. Enfin, croit-il, hein, parce qu'en fait, on peut. Il y a une histoire surtout du jazz. Pour le jazz, oui, c'est voilà. Ça. Mais simplement, c'est vraiment ce geste là de dire ah oui, c'est pas parce qu'il y a des couacs hein, dans un morceau que c'est atonal. Hein, et bah oui, mais en fait. En un sens, au résultat, si, hein, c'est atonal. Peut-être n'est-ce pas l'atonalité, parce que ça n'a pas été écrit en conscience qu'il s'agissait d'une partition ou d'une proprement atonale. Mais bon, il voudrait à toute force distinguer à l'intérieur de ce qui se confond, en fait, dans la musique, de ce qui s'entend. Et il voudrait montrer qu'il y a d'un côté ceux qui savent, et là, en effet, il y a quelque chose de très problématique. Hein, mais élitiste. Ah oui, il y a un privilège. C'est pas tant le privilège de ceux qui savent que le privilège du savoir. Il y a un attachement profond dans la vérité et la capacité à nous rendre meilleurs et plus heureux du savoir chez Adorno. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça. C'est pas tant pour défendre ceux qui savent que pour défendre le savoir et la mémoire, en fait. Mémoire de la musique, mémoire de la philosophie. Il y a aussi l'idée qu'il se fait de ce que devrait être l'art et de ce que devrait être la musique. Parmi les ouvrages qu'il a écrits, il a écrit sur Wagner, il a écrit sur Mahler. J'ai dit en début d'émission qu'il avait longtemps voulu être musicien. Il baignait dans une culture musicale très importante. Et dans le texte qu'on a entendu, il dit bien l'art tombé au niveau de la culture. Il y a l'idée d'une déchéance de l'art qu'est la musique au sein de la culture sans doute populaire qui implique également le jazz. Alors ça, c'est des dichotomies qu'il emprunte parce que c'est une chose qu'on n'a pas encore dite, mais Adorno, c'est un lecteur de beaucoup d'autres philosophes, hein, notamment là, de Georg Simmel, et qui, voilà, il y a ce texte qui s'appelle La tragédie de la culture, où il y a cette opposition entre art et culture. Hein. L'art, c'est le moment où, voilà, on fait son œuvre et elle est unique, elle est absolument singulière, et la culture, c'est le moment où elle commence à appartenir à l'objet qu'on a fabriqué, finit par devenir une représentation partagée, voire consommée. Voire achetable ou marchandisé. Donc la culture, c'est vraiment dans cette tradition philosophique, hein, qui est une tradition zimmelienne, qui est empruntée aussi à Lukács, il y a vraiment cette idée qu'il y a une chute dans la culture des œuvres. Mais ça, c'est pour toutes les œuvres, hein, que John Baez ou Beethoven, c'est pareil. Et ce que je voulais dire, c'est que Adorno lit intensément et discute intensément avec Benjamin. De même pour Bloch, de même pour Krakauer, il y a tous ces gens, toute cette nébuleuse de gens qui ne vont pas forcément finir à Francfort pour de multiples raisons, parce que ils sont un peu plus marginaux et un peu moins peut-être classique dans leur façon de faire de la philosophie, même si Adorno est pas classique, mais il a les armes du jeune philosophe qui maîtrise son Husserl, son Aristote, ce qui est pas le cas forcément de Benjamin, qui a une approche beaucoup plus originale, beaucoup plus marginale, particulière. Et Adorno, voilà, emprunte beaucoup à tous ces gens-là pour énoncer sa critique de la culture et peut-être le plus radicalement critique de tous. Parce que Benjamin est critique, mais en même temps, il défend un peu le cinéma. Enfin, voilà, c'est toute l'ambiguïté de son ouvrage sur l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique. Krakauer aussi défend le cinéma. Blore, voilà, un rapport à la musique populaire. Adorno ne défend rien. Adorno, ce qu'il tire de ces gens-là, c'est l'intérêt pour ces objets. Et ça, c'est très original. C'est plus original que, voilà, qu'en France, on n'a pas ça. Hein. Ouais. Et donc, il s'intéresse à ces choses-là grâce à Krakauer, à Benjamin. Krakauer s'intéresse au roman policier, par exemple. Il se rend compte que la culture populaire, c'est un matériau pour la pensée. Mais comment peut-il être aussi en paix? Alors d'ailleurs, peut-être ne l'est-il pas. Avec cette séparation nette et revendiquée entre d'un côté la théorie qu'il met au point dans sa philosophie. Je dis que c'était l'un des fondateurs de l'école de Francfort, c'est quelque chose de très, très important, très connu à l'époque et d'ailleurs encore aujourd'hui, et une forme de pratique, d'engagement direct. Il est serein par rapport à ça ou il y a toujours une ambiguïté Disons qu'il meurt assez triste. Hein. Le moment paroxystique où justement... tous les étudiants lui reprochent de n'avoir pas su agir, d'avoir pas su justement être pratique ou pragmatique, il se le prend quand même dans les dents. Enfin, et il meurt juste après d'une crise cardiaque. Voilà, donc sa réponse à ça, elle est systématiquement... Elle n'est pas systématique, mais elle a deux aspects. Hein. D'abord, il répond que sa praxis à lui... c'est de faire de la théorie, et qu'en d'autres termes, manifester ou faire des sit-in, ça n'a juste pas de sens, en fait. C'est pas son rôle. Et ça, on peut le comprendre, hein, de dire, mais voilà, arrêtez de considérer que écrire des livres, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité. Si, c'est tout à fait pragmatique aussi d'écrire des livres et de défendre des idées. Donc ça, c'est la première réponse qu'il peut apporter. Et la deuxième, c'est que il estime que la manière dont les étudiants interviennent est fondamentalement autoritaire. En fait, quand il voit son bureau saisi par des étudiants, il se souvient en fait de 1933, quoi. Il a l'impression en fait de revoir des nazis se comporter avec des professeurs juifs, quoi. Donc il retrouve quelque chose qu'il a toujours anticipé dans sa critique de la société libérale, c'est que l'apparemment plus démocratique est en fait potentiellement fasciste. Il écrit le 19 juin 1969 à Kraft, ici à Francfort, le mot ordinarius, professeur titulaire, est utilisé pour démolir les gens, ou comme il dit si bien, les descendre, comme les nazis naguère employaient le mot juif. Je prends beaucoup plus au sérieux que toi le danger que le mouvement étudiant bascule dans le fascisme. Il identifie de toute manière dès les années 40 une dose de fascisme dans la démocratie américaine parce que il perçoit justement dans la culture un certain nombre d'injonctions à se comporter comme il faut, à se comporter même, on dirait aujourd'hui, quand on fait la critique du fait que la société est hétéronormée, on hérite en fait de cette critique que fait Adorno en disant on n'a pas le droit d'être non identique en fait dans cette société, il faut s'identifier. C'est ça le terme clé, c'est l'identité. Voilà, ouais. L'identité, alors qu'aujourd'hui il y aurait beaucoup à dire hein, sur la manière aussi dont parfois un certain militantisme de l'identité tourne aussi à l'injonction. Donc c'est paradoxal, mais voilà, Adorno perçoit jusque dans les... Il y a un très beau texte qui s'appelle « Des étoiles à terre », où il fait une analyse de la chronique astrologique du Los Angeles Times. Et donc, il prend ces chroniques astrologiques et il montre toutes les injonctions contradictoires qu'on trouve dans chacune des petites notules. C'est soyez rebelles aujourd'hui, ça va beaucoup plaire à votre supérieur. Enfin, c'est ce genre de double discours, de double langage qui n'est là que pour maintenir en fait le statu quo et notre dépendance ordinaire des injonctions et des supérieurs et des et en cela, et il est d'accord sociales. Avec les étudiants qui sont en train de se révolter contre la même domination et contre la même normalisation. normalisation. Tout à fait. Mais lui dirait que c'est très injuste parce qu'en fait, c'est eux qui sont d'accord avec lui. He came first. Mais c'est ça, en fait. Lui, il revendique sa singularité. S'il n'aime pas l'identité comme conformisme, toute forme de domination, c'est parce qu'en fait, il revendique cette forme de singularité, d'individualité. Je ne sais pas quel terme ça peut être le mieux. Tout à fait. Même si il y a chez Adorno une critique permanente aussi du romantisme, de l'individualité. Hein. Il est très méfiant, par exemple, avec l'existentialisme, avec Sartre, même si jeune, il était fan de Kierkegaard. Il pense que dans la posture, justement, la singularité qui se revendique, c'est très capitalisme avancé, tout ça aussi. Donc, il faut arriver à être un individu singulier, émancipé, sans en prendre la pose pour Adorno. Au fond, Adorno est un punk. Alors, il le dirait pas lui-même, mais c'est ce qu'a dit Grell Marcus dans une page que je n'ai pas manqué de citer dans mon livre. Et que voici lu par Vincent Schmitt. Probablement qu'aucune définition du punk n'est assez large pour pouvoir y intégrer Théodore Adorno. En tant que mélomane, il détestait le jazz. Il avait failli avoir un haut-le-cœur en entendant Elvis Presley pour la première fois, et il ne fait aucun doute qu'il aurait assimilé les Sex Pistols à un retour de la nuit de cristal, s'il n'avait pas eu la chance de mourir en 1969. Mais on peut retrouver le punk entre chaque ligne de Minima Moralia. Son dégoût miasmatique pour ce que la civilisation occidentale est devenue à la fin de la Seconde Guerre mondiale a été, en 1977, la matière de centaines de chansons et de slogans. Si toute l'émotion que contiennent les disques des Sex Pistols se résume à l'écart entre un regard vide et une grimace sardonique, dans le livre d'Adorno, toute l'émotion est comprimée entre malédiction et regret, et dans cet espace, le moindre mouvement de compassion ou de création peut assumer l'accusation d'être une nouveauté absolue. Right. Sociology lecture with a bit of psychology, a bit of neurology, a bit of pharmacology. No fun. Bon, puisqu'Adorno aimait la provocation, on suit Grell Marcus hein, lorsqu'il affirme que si Adorno n'avait pas eu la chance de mourir en 69, il aurait assimilé les Sex Pistols que nous sommes en train d'écouter, un retour de la nuit de cristal. Peut-être Agnès Guiraud, dites-nous qui est Grell Marcus, qui a écrit ce texte. C'est un critique américain, professeur de littérature, mais qui a beaucoup écrit sur l'histoire du rock et sur Dylan, notamment. Parce qu'Adorno est étudié par les critiques de musicaux. Alors, parce que ça, je pense que sa théorie esthétique, attire tous les gens qui sont férus de musique à un moment donné. Donc, en tout cas, ce que le texte que cite Marcus est pas un texte d'esthétique. Hein, c'est les Minima Moralia, donc c'est plutôt sur le fond, sur les textes, même le style des textes d'Adorno dans les Minima Moralia, qui trouve que voilà, il y a une espèce d'affinité comme ça entre l'écriture complètement désabusée et en même temps visant à une forme d'utopie mais non dite, que voilà, il retrouve quelque chose de punk. Mais ce qui est marrant, c'est de se rendre compte que finalement c'est en 79 que qu'Adorno retrouve sens d'une certaine manière sur le plan de la contestation, et non pas du côté des militants politiques, non pas du côté des gens qui seraient engagés dans l'extrême gauche, mais du côté de l'esthétique, en fait, du côté de la musique elle-même, puisque la critique du divertissement, la critique du fun, on la retrouve en effet dans le punk. Et je cite dans le livre cette scène qui a lieu à San Francisco, le dernier concert des Sex Pistols en 78, où voilà, ils chantent la chanson des Stooges, d'Iggy Pop, No Fun, et puis Johnny Rotten finit par dire à l'assistance, vous avez pas l'impression de vous être fait avoir, enfin, et c'est la fin des Sex Pistols, quoi. Donc il y a cette façon comme ça de faire céder l'illusion, l'espèce de voile de Maya d'une culture du divertissement vêtement qui est censé être là pour nous rendre la vie plus légère, alors qu'en réalité, Adorno le dit, hein, c'est le bain d'acier du fun, c'est cette espèce de contrainte qui est encore plus efficace sur les corps des individus, parce que aussi elle leur donne apparemment de quoi se détendre, de quoi s'abandonner, de quoi s'érotiser, mais tout ça n'est qu'apparence. Et quand vous disiez il aime la provocation, je pense que Adorno aurait pas aimé qu'on dise qu'il est. Enfin, mais dans ce texte présent, non. Alors, il y a une gourmandise, vous dites à l'exagération. Oui, à oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un de ses textes sur le jazz, il s'était donné un nom assez nazi, enfin nazillard, je sais pas, de nazillon. C'était Otto Rottweiler. Hein, il avait signé. Donc il y a cette dimension de provocation. Mais disons que provocation, il y a presque quelque chose d'un peu publicitaire dans l'idée de la provocation. Ce serait la radicalité version pub, quoi. Donc ouais, je pense que voilà, insolent, mais grinçant, ouais. Grinçant, insolent, ça fait un peu plus beau marché, mais c'est difficile de le catégoriser, voilà. Et puis je pense qu'il est, enfin il y a une lenteur en fait, enfin comment dire, ça passe beaucoup par l'écrit, même s'il s'exprime très bien en français, mais c'est pas il est pas dans le mot d'esprit finalement, Adorno, je ne trouve pas en tout cas. Non, mais il y a quand même le sens de la formule, il y a de l'humour, reprises. Et là, vous venez de citer cette phrase, quand même, je me permets de la dire à nouveau, c'est dans La dialectique de la raison, écrit avec Horkheimer en 47, « Le fun est un bain d'acier ». Et c'est vraiment comme ça en allemand, quoi, « Ein Stahlbad ». L'industrie du divertissement prescrit inlassablement ce remède. Pour elle, le rire permet de créer une sensation trompeuse de bonheur. Or, les moments heureux se passent du rire, seules les opérettes puis les films présentent le sexe avec des éclats de rire. Alors ça veut dire que si je suis jusqu'au bout la thèse... Mais le rire est satanique quasiment dans ce texte-là, ce qui reste. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut prendre au sérieux l'hypothèse de Green Marcus lorsqu'il dit qu'Adorno était un punk avant l'heure. Ça veut dire que finalement, il y a une forme de clairvoyance de sa part dans son geste même de dénoncer ce qu'il dénonce. C'est ce qui se passera, y compris dans le milieu de la chanson, 10 ans plus tard. Oui, parce que finalement, les représentants de la contre-culture, c'est les hippies. Or, les punks étaient les ennemis des hippies. Donc, d'une certaine manière, on voit bien si les ennemis sont mes amis. C'est ça. Donc, il n'est pas étonnant qu'Adorno fasse finalement alliance, malgré lui et post-mortem, avec les ennemis des hippies qu'étaient les punks. Après, je pense qu'il aurait été malheureusement tout aussi effrayé, comme le dit Marcus, par les Sex Pistols que par les autres. Et aujourd'hui, est-ce que quelqu'un serait le digne héritier d'Adorno aujourd'hui, vous pensez ? C'est difficile, c'est assez marquant quand on étudie la pensée d'Adorno. C'est quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, et comme beaucoup de philosophes, c'est pas une pensée programmatique dont on peut dire, tiens, je vais faire du Adorno, mais sur un autre objet. C'est extrêmement... difficile de se le représenter comme ça. C'est pas une pensée qui... Je pense qu'il y a des héritiers. Enfin, moi, j'estime que je suis une héritière d'Adorno. Il y en a plein, mais on est obligé de changer de terrain. D'ailleurs, ces héritiers directs, comme Habermas ou Honneth, n'ont pas tout à fait travaillé sur le même terrain. Ils ont beaucoup plus travaillé sur le terrain des idées politiques, qui étaient assez peu explorées par Adorno, en réalité, puisque lui, c'était plutôt la culture, l'art, la question de l'esthétique, ou d'une certaine sociologie, mais pas du tout conventionnelle. Donc, ils ont déplacé, en fait, le terrain d'analyse pour pouvoir continuer à être adornien. Mais Avez fait pareil, Agnès Guéraud, pardonnez-moi, parce que pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes aussi auteur, compositrice, interprète, vous faites de la chanson. Pour une spécialiste Adorno, c'est paradoxal. Oui. Et puis, en effet, en me mettant à étudier, comme il ne le fait pas complètement, l'histoire des musiques populaires enregistrées, en effet, j'ai déplacé, je suis allée sur un autre terrain, mais en reprenant certains de ces outils, mais tout en sachant que certains de ces outils sont aussi empruntés à Benjamin. Enfin, Benjamin est très important derrière, dans la pensée d'Adorno, elle est au cœur de sa pensée, en fait. Mais voilà, je trouve que c'est à la fois un peu, pas un peu court, mais... on peut se dire qu'il y a une... C'est comme si Adorno était un peu jaloux de sa propre enfance, de sa propre jeunesse, de sa propre singularité. Et donc, il n'y a pas véritablement, il n'y a pas tant que ça un élan de transmission dans son œuvre en tant que telle, même si cet élan de transmission, il s'est exprimé dans des choses qui ne sont pas forcément publiées, mais il a fait énormément d'émissions de radio, justement dans les années 60, et c'est court. Donc il a enseigné, donc il y a quand même... Mais l'œuvre elle-même, elle a, je pense malgré tout, quelque chose d'esthétique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement là pour donner des outils, mais elle est là aussi pour la beauté de son propre geste. Et ça la rend unique et non reproductible, pour le coup. Quelle belle promotion, il aurait détesté ce terme, hein, du travail d'Adorno. Merci beaucoup Agnès Guiraud d'être venue en parler ce matin. On peut lire votre Dialectique de la pop aux éditions La Découverte et vous entendre en concert ce soir à Hambourg. L'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de faire cette série sur l'année 69 est aussi pour passer nos chansons préférées. Voici donc The Zombies, Time of the Season, qui était top hit parade en 1969. It's the time of the season. Love runs high in this time. Give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken us anytime to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps, plus que temps, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la mode. Et oui Adèle, c'est aujourd'hui le dernier jour de la Fashion Week à Paris. Il y a quelques minutes, c'était le défilé Chanel. Dans quelques heures, pour la dernière, ce sera Louis Vuitton. Je ne vais pas vous faire l'éternel laïus sur la philosophie et la mode. Et oui, il y a bien une philosophie de la mode. Pourtant, si j'aime les deux, je trouve qu'elles ne vont pas ensemble. Ensemble, elles deviennent ennuyeuses, abstraites, jargonnantes, impersonnelles. Je perds tout à la fois le plaisir de m'habiller et de réfléchir. Dois-je renoncer à les associer? Dois-je penser nu et m'habiller sans y penser? Il y a donc un système de départ qui est le système de la langue ou le système des signes en général. Et j'ai essayé de reconstituer, moi, un domaine d'application de ce système, à savoir le domaine qui est le vêtement. Les codes du vêtement, tels qu'en parle Roland Barthes, le rapport au temps entre éphémère et intemporel, la notion de cycle et de répétition, la question de la silhouette, la dimension ostentatoire du superflu, le problème de ce qui est montré ou pas, les problématiques pour construire une pensée de la mode ne manquent pas. Elles sont d'ailleurs adaptables aux époques et aux saisons, car les stylistes se mettent désormais au défi des religions, des genres et de l'écologie. Et pourtant, je dois dire que la philosophie de la mode m'a toujours semblé manquer la mode elle-même. Et ce, à deux titres. D'abord, je trouve qu'il ne reste rien dans cette philosophie du plaisir qu'il y a à regarder un vêtement, à se composer un look, à détailler les tendances, à jauger une coupe, à essayer des vêtements, à décrypter un style. Lisez donc Le système de la mode de Roland Barthes, c'est loin d'être aussi plaisant. De là, la philosophie de la mode m'a aussi toujours semblé vaine, à l'image de la mode sûrement, qui ne prétend pas être plus que ça. Mais justement, la mode, elle, en étant rien, devient tout. En étant accessoire, elle réussit à devenir essentielle, ce que ne réussit justement pas la pensée de la mode. Comment la philosophie peut elle est donc si peu stylée. C'est un mystère, peut-on le résoudre ? Alors moi j'aime bien me répéter. J'aime pas l'idée de démoder un vestiaire saison après saison. J'aime bien l'idée de pouvoir remettre des choses de l'année précédente, même d'il y a 5 ans, et de pas paraître ringard, que tout puisse se mixer continuellement. Je trouve que c'est là le style. Qu'est-ce que le style en philosophie ? C'est peut-être ça la vraie question. Et plutôt que d'y répondre avec des définitions, je me suis dit qu'il valait mieux se tourner vers les philosophes eux-mêmes. Pourquoi Foucault portait-il un col roulé et une veste en cuir ? Que ressentait Diderot dans sa vieille robe de chambre ? Pourquoi Simone de Beauvoir aimait-elle tant mettre des turbans ? Sartre serait-il Sartre sans ses lunettes ? Depuis l'invention de Google et du formidable Google Images, j'aime bien regarder de quoi a l'air tel ou tel philosophe. Je suis toujours autant stupéfaite par la coiffure de Baruch Spinoza et le beau chapeau de Gilles Deleuze. Les philosophes sont stylés, mais pourquoi n'en ont-ils pas tous parlé ? Pensent-ils qu'un vêtement sert seulement à tenir chaud ? Ont-ils seulement pris ce qui était à disposition ? Eh bien, je ne peux pas y croire. La parole s'accorde au paraître. Et Foucault, sans son cuir, aurait sûrement écrit la même histoire de la sexualité, mais on ne l'aurait pas écouté de la même manière. Dans un livre génial qui vient de sortir, Le vestiaire de la littérature, deux chapitres sont ainsi consacrés au look des écrivains. Avec cette question qui parlera à tout le monde, comment à la fois marquer sa singularité par l'habit, faire parler son esprit à travers le tissu, se définir à travers le vêtement, sans être réduit à sa parure. Lainage, gants, fichus, smoking, pull en laine, sans être le sujet des livres, sans être le concept de nos théories, ils habillent pourtant les mots, les idées et leurs auteurs. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, avec leur exposition médiatique, ont compris la charge politique et morale de leurs habits. Rousseau, par exemple, aussi a décidé de porter une tenue arménienne, oui, pour se démarquer de ses origines roturières et du milieu aristocratique. Mais plus que la politique et le social, il y a aussi la question de la légitimité. Serais-je prise au sérieux si j'arrivais ici en jogging ? Et puis, il y a la question de l'image. Si j'arrivais en culotte, est-ce que je ne passerais pas pour quelqu'un de tête en l'air ? Est-ce que ma parole serait la même ? Évidemment, il y a des codes, des dosages, des équilibre, mais comment trouver le bon ? Eh bien, c'est toujours un casse-tête et c'est un vrai problème philosophique qui suscite l'étonnement quotidien et singulier. Nous aider à le résoudre serait là une vraie philosophie de la mode. Je suis bien d'accord avec vous, Géraldine. Merci de célébrer les noces entre philosophie et mode. Vous aviez deux lectures à nous conseiller. Alors, Vestiaire de la mode que j'ai cité chez Champvallon de Martine Boyer-Weinmann et Denis Reynaud, et puis Sapé comme jadis, 60 histoires de vêtements de Ivan Jacob chez Robert Laffont. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en culotte ou en jogging sur le site du journal de la Philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Selle en compagnie d'Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé cette semaine et qui a prêté sa voix pour le doublage de Théodore Adorno, Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt pour la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur 1969, année philosophique. Et bien demain, nous partirons aux États-Unis. Les philosophes américains entrent en guerre en 69 et ce sera le philosophe Mathieu Hochkorn qui viendra vous en parler. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Adorno, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, où nous attendons vos remarques et vos commentaires et on poste chaque jour l'émission en ligne. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.